30 fois plus. En 2020, il y a eu 30 fois plus de consultations médicales à distance. Et notre rôle, au Crédit Agricole, c'est d'accompagner les professionnels de santé dans cette évolution, avec la solution simple et sécurisée de e-paiement par SMS de notre partenaire PayMed. Vous pratiquez la télémédecine, passez au télépaiement. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Formidable. Service distribué par PayMed, détaillé conditions sur paymed.pro. Dans ce parcours, je ne vous mentirai jamais. Je ne vous dirai jamais quelque chose que je ne crois pas. Umberto Eco a dit du fascisme de Mussolini qu'il était entièrement de la rhétorique et pas une once de philosophie. Il me semble au contraire que la politique de Trump contient beaucoup de philosophie et assez peu de rhétorique. Il n'entend pas persuader. Et que s'il faut lutter contre lui, c'est sur ce plan. Il faudra alors opposer philosophie contre philosophie et par exemple s'insurger contre les schopenhauriens comme Welbeck qui se disent ravis de Trump et applaudissent son nihilisme. Il n'y a pas de quoi être ravi et ce n'est pas la religion qui nous sauvera de lui. Pouvez-vous me dire maintenant, honnêtement, si vous avez tenu cette promesse à tout moment? Avez-vous toujours été sincère? Eh bien j'essaie vraiment, je pense que vous essayez aussi. Vous dites des choses sur moi qui ne sont pas nécessairement corrects. J'essaie et je veux toujours dire la vérité. Bonjour Pascal Angèle. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin depuis Cavaillon, où vous habitez. Vous êtes philosophe, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes l'auteur d'un manuel rationaliste de survie, publié aux éditions Agone cette année, et d'un article paru dans la revue AOC, dont je viens de lire un extrait, et dans lequel vous avancez que la politique de Trump contient beaucoup de philosophie. Comment faut-il le comprendre ? Oui, c'est un peu une provocation, bien sûr, parce que je ne prends pas Trump pour un grand philosophe, mais il est vrai que le phénomène Trump, si vous voulez, le personnage, ou même pour parler comme Deleuze, le personnage conceptuel qu'est Trump, peut s'interpréter de différentes façons, y compris philosophiques. Et je voudrais indiquer simplement qu'il y a au moins trois manières dont ça peut être intéressant de s'intéresser sur le personnage Trump. La première, évidemment, est classique, c'est le fait de s'intéresser à sa place dans la politique américaine aujourd'hui, qui est évidemment directement d'actualité, dans le système économique et le système de déviation de la démocratie auquel il a participé. Ça, c'est un premier aspect. Le second, c'est ce qu'on pourrait appelé la politique, la psychologie politique de Trump, c'est-à-dire la psychologie du personnage autoritaire, la psychologie d'individus comme lui qui a eu ce qu'on pourrait appeler une résistible ascension, pour reprendre les termes de Brecht dans son célèbre parodie de Hitler, la résistible ascension de Arturo Uy. Donc on peut s'intéresser à la psychologie politique, la manière dont le personnage se distingue par exemple de Hitler ou de Mussolini ou s'en rapproche. Puis il y a une troisième manière qui est la mienne, qui est une manière, je dirais, plutôt philosophique, qui consiste à prendre Trump comme une sorte de symptôme, voire de syndrome, des pathologies de la culture contemporaine et de ce que j'appellerais volontiers les vices politiques. Les vices de la communication, les vices du disque qui contiennent au dysfonctionnement de la démocratie. Et donc, en ce sens-là, Trump est un peu l'enfant de tous ces facteurs. Et je crois qu'il a une philosophie, évidemment, qui est une philosophie spontanée et extrêmement brute, qui est peut-être la philosophie de l'homme américain ordinaire. Je peux détailler cette philosophie-là. Ouais. Et puis nous autres, quand nous sommes philosophes, quand nous sommes un petit peu plus orientés vers certains sujets, nous pouvons lire l'épisode Trump comme une sorte de chambre d'écho, de papier tournesol ou de réflexion au sens du miroir de notre époque. Donc, je pense qu'il est un philosophe, mais évidemment avec des guillemets. Et je pourrais même dire dans une certaine mesure que Mussolini posait des problèmes philosophiques du même genre. C'est évidemment un petit peu une blague que de dire qu'il est un philosophe, mais il a en tout cas suscité beaucoup d'analyses chez les philosophes. Oui, de toute façon, on peut distinguer le fait de poser des questions philosophiques du fait d'être philosophe et encore heureux. Vous présentez Donald Trump comme une sorte de symptôme, au fond, de symptôme comme un paradigme d'un certain nombre de mots de notre époque. Est-ce que votre approche se situe davantage du côté de la philosophie politique, vous avez parlé de l'importance de la démocratie qui était mise à mal par Donald Trump, ou de la philosophie morale, parce qu'en réalité, nous avons commencé avec cela, Trump assume un positionnement moral par rapport à la vérité, notamment. Il l'a dit dans l'extrait qu'on a entendu, il a dit « je ne dirai jamais quelque chose que je ne crois pas », et à la fin, la journaliste lui demandait « mais est-ce que vous avez tenu cette promesse ?» Il dit « bah, j'ai essayé de le faire », faisant par là, en fait, prévaloir la sincérité sur la vérité. C'est un bon angle d'approche, me semble-t-il, Pascal Angèle. Oui, bien sûr, et je crois effectivement que nous sommes au croisement de ce qu'on pourrait appeler la morale, qui est un phénomène, enfin, qui est une posture que prennent nombre d'Américains depuis la fondation des États-Unis, et la politique, c'est-à-dire son expression dans la vie publique. Et quant à la relation avec la vérité ou le savoir, c'est une problématique qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle j'ai fait un livre l'an dernier, qui est sur l'éthique intellectuelle. C'est-à-dire, quand on s'intéresse à cette question-là du point de vue individuel, c'est quelle sorte d'attitude vais-je avoir vis-à-vis de la vérité et du savoir? Est-ce que je dois la dire tout le temps? Est-ce qu'on a le droit de mentir? Et des problèmes de ce genre. Quant à Trump, évidemment, il exploite un certain nombre de postures classiques américaines qui vont de la clownerie du rôle de l'imposteur ou du charlatan traditionnel jusque à l'homme qui vous dit qu'il est effectivement toujours sincère. Alors ça n'est pas évidemment une philosophie articulée, mais nous pouvons essayer de réfléchir là-dessus parce que, en même temps, si Trump est possible, si le phénomène qu'il incarne est possible, c'est parce que aussi il y a eu un certain nombre de pathologies et de vices dans la démocratie, dont un certain nombre de systèmes de communication d'aujourd'hui sont les manifestations. Donc, en ce sens-là, il est bien, en quelque sorte, à la perpendiculaire de la morale et de la politique. Expliquez-nous ce que vous entendez par américain, quand vous employez ce terme. Là, ce matin, vous avez parlé de l'homme américain ordinaire. Là, vous dites qu'il est typiquement américain et vous parlez de clownerie, d'imposture. Qu'est-ce que c'est que l'homme américain, selon vous ? Bon, alors il y a beaucoup de gloses sur ce que c'est, mais je vais vous donner un certain nombre pour en parler. Je pourrais vous donner quelques références littéraires. La première référence littéraire, c'est un ouvrage de Herman Melville, le roman de Melville, qui s'appelle « The Confidence Man is Masquerade ». L'homme, l'escroc à la confiance, sa mascarade. C'est un roman assez peu connu de Melville, dans lequel il envisage un personnage qui est un baratineur sur un bateau du Mississippi et qui raconte à peu près n'importe quoi sans que ça lui fasse absolument aucune différence pour lui. Il y a un deuxième personnage de ce genre. Je voudrais noter aussi que le Confidence Man, c'était un escroc qu'on appelait l'escroc à la confiance, qui au XIXe siècle interpellait les passants dans la rue en leur disant « je suis dans la dèche, pourriez-vous me donner $1 ?» À l'époque c'était $1, et il avait une tête très avenante, très amicale, il avait l'air très sincère, et puis bien entendu, le naïf ne retrouvait jamais son dollar. Maintenant, il y a d'autres personnages du même genre dans la vie américaine, qui est l'individu qui se présente comme au nom d'une cause. Alors ça, c'est l'évangéliste, par exemple Elmer Gantry, un roman de Sinclair Lewis, dans lequel le personnage en question est en fait un escroc, c'est un showman. Et alors, il y a un autre personnage habituel dans la mythologie, si vous voulez, populaire américaine, c'est Buffalo Bill, c'est Barnum, qui avec son fameux cirque dans lequel il montrait des monstres. Donc, il y a ces personnages. Maintenant, vous me direz, en quoi est-ce que c'est l'américain standard ? Oui, parce que sinon, on a l'impression que l'américain standard, c'est le baratineur. Eh bien, le baratineur est un petit peu une sorte de variation un peu monstrueuse sur l'américain standard. L'américain standard fait appel à la confiance. Par exemple, quand vous achetez une voiture aux États-Unis, évidemment, c'est comme partout ailleurs, le type vous dit la voiture est extraordinaire, mais en fait, elle est pourrie. C'est l'idée que commentait beaucoup Tocqueville dans De la démocratie en Amérique, à savoir que l'Américain aime se présenter comme un citoyen, quelqu'un qui vous parle d'égal à égal, qui vous demande votre confiance et qui espère votre confiance en retour. D'autre part, les Américains sont, comme on le sait, très moraux vis-à-vis du mensonge. Ils détestent le mensonge. Bill Clinton s'en souvient sûrement, et beaucoup d'autres philosophes vous voyez le lapsus. Oui. Nixon se souvient très bien de ce qui arrive quand on est tricky-dicky, quand on est un menteur. Alors Trump reprend ses caractéristiques, si vous voulez, de l'homme démocratique américain, de l'homme de la confiance, et il les pervertit ou il les déforme, ce qui fait qu'il ressemble aussi à ces personnages que je viens de vous mentionner, au point que d'ailleurs il finit par rejoindre aussi des personnages européens, et le personnage européen que tout le monde a évoqué quand le personnage de Trump comme clown, comme auteur de télé-réalité est apparu, c'est simplement Hubert Roy. Mmh. Alors, ce que vous dites me fait penser à un livre qui a été écrit par un philosophe américain, Harry Frankfort, né en 1929. Son livre en français s'appelle « De l'art de dire des conneries ». Et dans ce livre, donc « conneries », c'est « bullshit » en anglais, il distingue justement les conneries d'un côté, des mensonges de l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas ici une distinction conceptuelle qui nous serait très utile pour essayer d'aller plus en avant dans ce qu'on essaye de dire, Pascal Angèle ? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup commenté et utilisé dans mes propres écrits là-dessus, le livre de Harry Frankfort, qui a eu d'ailleurs un grand succès, parce que il cerne un phénomène extrêmement important. C'est le phénomène du bullshit, que j'aime à traduire moi-même par la foutaise, qui est non pas le fait de mentir, mais le fait de tromper, souvent, c'est pas incompatible avec le mensonge, mais de tromper en disant n'importe quoi, ou plus exactement, en adoptant une attitude d'indifférence complète vis-à-vis de la vérité. Mmh. Et là, c'est très important, parce que si vous voulez, quand vous êtes un menteur, vous devez vous soucier de la vérité, au moins pour la cacher, au moins pour savoir ce que les autres croient, et au moins pour respecter un des principes ordinaires de la communication ou de la conversation, qui est que, habituellement, quand les gens parlent ou s'expriment ou donnent une information, c'est pour dire quelque chose qu'il croit et qui est supposé être la vérité. Bien sûr, on ne la connaît pas nécessairement, mais on essaye de la dire et de la partager. Or, le baratineur, le producteur de foutaises, ou le bullshitter, pour prendre la terminologie assez difficile à traduire en anglais, c'est quelqu'un qui s'en soucie pas. Le principal pour lui, c'est de parler, d'occuper le terrain, en occupant le terrain, de détourner éventuellement l'attention. Alors ça ressemble, de ce point de vue-là, la personne qui écoute un baratineur, c'est pas nécessairement quelqu'un qui est trompé ou ce que Barnum appelait un sucker, un imbécile, un naïf. C'est quelqu'un qui joue avec vous à un jeu de bonneteau. La vérité est quelque part, elle est là peut-être qu'elle y est pas. Et donc Trump utilise beaucoup ça. Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans cette affaire, c'est qu'il ne fait en cela que reprendre ou amplifier ou donner un énorme porte-voix à quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux et que nous expérimentons tout le temps lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire ? Ben les gens sont prêts à liker ou à tweeter ou à retweeter des choses qu'ils aiment bien sans même se soucier de savoir si c'est vrai ou si les informations sont vérifiées. Autrement dit, il y a là des pratiques qui conduisent, pas directement, c'est pas évidemment la cause immédiate, mais qui conduisent à des pratiques du genre de celles des fake news. C'est-à-dire, s'il y a tellement de choses fausses qui sont racontées, c'est pas simplement parce que il y a des menteurs et des gens qui cherchent à nous faire croire un certain nombre de choses, c'est parce que on ne se soucie plus d'avoir une sorte de contrôle envers ce qui nous est dit, ou même éventuellement quand on est soi-même un locuteur, envers ce que l'on dit, c'est-à-dire avec ce qu'on affirme. On se contente simplement d'affirmer, au sens où on dit, c'est un peu comme ce qui se passe dans le café du commerce, c'est-à-dire vous êtes assise au comptoir ou dans le café, vous baratinez, vous racontez quelque chose, vous faites du bavardage, du gossip, et quand on vous reproche de ne pas avoir dit quelque chose de vrai, de vous être trompé, de ne pas en donner la preuve, vous dites « Oh, ben, c'était juste quelque chose que je disais, je parlais simplement ». Et donc ce régime, si vous voulez, d'une sorte de parole qui est le bavardage ou le baratin, est devenu endémique dans notre culture, à mon avis, et Trump, finalement, n'en est pas un inventeur du tout. Il en est, je dirais, un exploiteur, un utilisateur, et il me semble que si on regarde les études qui ont été faites sur la communication par Internet, les réseaux sociaux, les différentes sortes de bulles d'information, le tribalisme dont tout le monde a beaucoup discuté, Trump est quelqu'un qui surfe sur ce type de communication. Donc quand Harry Frankfurt a discuté le phénomène du bullshit, il a insisté beaucoup sur l'importance que ça avait par rapport à la notion de vérité. Le bullshitter, le producteur de foutaise, littéralement, est indifférent à la vérité. Et là, je vois là la source, non seulement de vice intellectuel individuel, mais de quelque chose comme une sorte de vice politique, non seulement au sens d'une pathologie de notre communication et peut-être d'une pathologie de la démocratie, mais aussi au sens de une disposition qui est entretenue volontairement, qui sert à des gens qui la manipulent. Clarifiez, lisez ma liste de mes biens. Comté de Sandomir. Commence par les principautés, stupide bougre. Principauté de Podoli, grand-duché de Posen, duché de Courlande, comté de Sandomir, comté de Vitebsk, palatinat de Pollock, margravia de Thorn. Et puis après? C'est tout. Comment c'est tout? Oh ben alors, en avant les nobles! Et comme je ne finirai jamais de m'enrichir, je vais faire exécuter tous les nobles. Et ainsi j'aurai tous les biens vacants. Allez, passez les nobles dans les trappes! Dépêchez-vous, plus vite! Je veux faire des lois maintenant. On va voir ça! Je vais d'abord réformer la justice. Après quoi, nous procéderons aux finances. Nous nous opposons à tout changement! Merde! D'abord, les magistrats seront plus payés. Et de quoi vivrons-nous? Nous sommes pauvres! Vous aurez les amendes que vous prononcerez et les biens des condamnés à mort. Horreur! Infamie! Scandale! Indignité! Nous refusons à juger dans des conditions pareilles! À la trappe, les magistrats! Et que fais-tu, Péribu? Qui rendra maintenant la justice? Bien, moi! Tu verras comme ça marchera bien. Vous n'avez pas répondu à la question. Pourquoi le président a-t-il demandé à l'attaché de presse de la Maison-Blanche de venir pour la toute première fois devant ce podium pour proférer un mensonge avéré? Pourquoi a-t-il fait ça? Cela porte atteinte à la crédibilité de tout le bureau de presse de la Maison-Blanche. Non, il n'a pas fait ça. Cessez de dramatiser sur cette affaire, Chuck. Vous dites un mensonge. Sean Spicer, notre attaché de presse, a donné des faits alternatifs, mais ce qui est mis en avant, c'est... Attendez une minute. Des faits alternatifs? Faits alternatifs? Quatre des cinq faits qu'il a prononcés. Celui qu'il a bien prononcé est Zeke Miller. Quatre des cinq faits qu'il a prononcés ne sont pas vrais. Les faits alternatifs ne sont pas des faits. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Donald Trump cette semaine. Donald Trump dans l'œil des philosophes. Aujourd'hui, ce philosophe s'appelle Pascal Angèle. Il est avec nous depuis Cavaillon où il se trouve. Vous avez entendu à la suite un extrait de Ubu Roy. Vous avez employé ce personnage. Vous avez établi la comparaison entre Donald Trump et Ubu Roy, Pascal Angèle. Et l'extrait qu'on a entendu est particulièrement cocasse puisqu'on y entend Ubu Roy qui décide de réformer complètement la justice et que c'est lui qui allait nommer tous les juges. Ce qui paraissait à l'époque le comble de l'absurde et ce qui est en train de se passer aux États-Unis en ce moment. Et puis un extrait de Kellyanne Conway qui essaye de justifier les propos de Sean Spicer, qui était le porte-parole de la Maison-Blanche, qui avait essayé de justifier les sorties de Donald Trump à propos de son investiture, disant qu'il y avait la plus grande foule jamais vue à une investiture de président. Ce qui était faux quand on regardait les photos. Et là, Kellyanne Conway emploie le terme de fait alternatif, alternative facts. Je voudrais qu'on précise ce qu'on entend ici par vérité et mensonge, Pascal Angèle, puisque vous avez travaillé sur ce sujet. On peut convoquer plusieurs critères pour définir la vérité. Et quand Kellyanne Conway parle de fait alternatif, c'est un certain critère qu'elle met en scène, c'est celui de la correspondance. Est vrai un discours qui va correspondre à l'expérience vécue ou à l'expérience dont on se souvient. Et c'est ce critère-là qu'elle met à mal dans ce type de discours, n'est-ce pas? Oui. Avant d'en venir à la vérité, je veux juste signaler que les personnages, outre Ubu qu'évoque Trump, il y a aussi un personnage de bande dessinée que connaissent bien tous les Américains, Dennis the Menace, un petit enfant. Denis la Malice, qui est ce que l'on appelle en anglais un monster child. Beaucoup de gens ont comparé Trump à un enfant, et donc il dit les choses qui lui plaisent, et à la limite, il ment presque spontanément. Et la scène de Ubu à la trappe, c'est exactement ce qui se passe avec les collaborateurs de Trump. Récemment, par exemple, il a dit de Anthony Fauci, qui est un des meilleurs épidémiologistes au monde, qu'il était un désastre et il a renvoyé aussi tous ses collaborateurs les uns après les autres. Ceci est lié évidemment au problème du mensonge et de la vérité. Maintenant, en effet, il faut définir la vérité et il y a un moment ou un autre où en effet, Trump et ses acolytes ont été confrontés au fait qu'ils disaient des mensonges et qu'on pouvait leur reprocher de ne pas dire la vérité. Évidemment, c'était une objection extrêmement standard, puisque aux États-Unis, un bon démocrate, un vrai homme politique américain et a fortiori un président, doit dire la vérité. Donc Trump a joué là-dessus, et au moment où il a menti, c'est Kellyanne Conway a évoqué cette fameuse notion de fait alternatif. Alors ici, sur la vérité, je voudrais souligner deux choses. La première, c'est que il me semble que Trump définit la vérité, enfin il a en quelque sorte un double discours sur la vérité. D'un côté, il défend une conception qui est celle que j'appellerais pragmatiste vulgaire. Par pragmatiste vulgaire, je ne veux pas dire du tout que Trump est un pragmatiste au sens des philosophes pragmatistes. Il est un pragmatiste au sens où, pour lui, la vérité, c'est l'utile. Ce qu'il dit n'est pas supposé, est supposé être vrai si les gens veulent bien le croire, selon la définition célèbre du mensonge, qui n'est cru que par les personnes qui l'écoutent, mais ce qui lui est utile. Et il a fait des déclarations tout à fait claires. Il a dit, moi je suis sincère, mais ce qui m'intéresse, c'est de dire ce qui m'est utile. Alors évidemment, on ne peut pas aller dire ça directement devant un pupitre de la Maison Blanche. Donc il faut inventer une autre terminologie, notamment du côté de ceux qui vous attaquent. Et là, Kellyanne Conway a eu un coup de génie, si on peut dire, qui n'est pas d'ailleurs celui de Trump. Elle a dit « mais tous ces gens nous évoquent des faits alternatifs ». Et là, la notion de fait alternatif, eh bien, c'est une notion que l'on trouve dans les versions non plus du pragmatisme, mais dans les versions du relativisme, c'est-à-dire dans la conception selon laquelle chacun a sa vérité, chacun exprime la vérité telle qu'il la ressent, chacun exprime la vérité telle qu'elle est dans son expérience, et surtout son expérience individuelle, son expérience personnelle, et par conséquent, personne ne peut se prétendre avoir, être le détenteur d'une vérité objective, une vérité qui transcende les individus. On voit bien ce que Kaylan Conway voulait dire. Elle voulait dire que chaque camp déforme la vérité de la manière dont ça lui convient. Et alors, à ce moment-là, je crois que personne ne l'aurait critiqué. Mais elle a inventé cette notion de fait alternatif qui est formidable parce que c'est précisément une sorte, là aussi, d'exagération ou d'exploitation monstrueuse du relativisme classique en philosophie, dans laquelle la définition de la vérité, c'est ce qui est vrai pour moi. Ce qui est vrai, c'est ce qui est vrai pour moi. Et évidemment, à partir du moment où vous définissez la vérité comme ça, et où vous dites « moi j'ai mes propres faits alternatifs et vous, vous avez les vôtres », on rentre dans des contradictions et on autodétruit son propre discours, puisqu'à ce moment-là, on va dire que le relativisme est vrai pour moi. Et s'il est vrai pour moi, alors il n'est pas vrai. Tout ce qui est vrai pour moi n'est vrai que pour moi. Et donc, c'est absurde, ça pousse à l'absurde. Donc, Trump a en fait, si vous voulez, une définition implicite de la vérité qui est ce qui m'est utile. Et effectivement, comme il a un discours extrêmement personnel, il donne sa version des faits, il présente la vérité comme étant la plupart du temps sa vérité. D'un autre côté, évidemment, comme n'importe qui, il est bien obligé de reconnaître qu'il y a une distinction entre ce qui est objectif et ce qui est subjectif, entre la vérité et la fausseté, et il est bien obligé de reconnaître qu'il y a des fois où ce qu'il a dit ou ce qu'il dit est faux, et il l'a reconnu. Mais alors, à ce moment-là, il utilise une autre technique qui est de changer de vitesse, en quelque sorte, ou de changer de braquet. Il fait oublier la chose qu'il a dite avant, il dément, et en quelque sorte, il nous embrouille. Donc, même si Trump n'est pas un très profond philosophe sur la vérité, je trouve que il a très raison de nous il a inconsciemment ou involontairement raison de nous rappeler la différence qu'il y a entre la vérité et l'utilité, et d'autre part, la différence qu'il y a entre la vérité et la subjectivité. Mais oui, mais est-ce qu'on n'est pas là plus du côté de la rhétorique que de la philosophie? Dans le texte que vous avez écrit dans la revue AOC que j'ai lu en début d'émission, vous le disiez, hein, vous disiez que la politique de Trump contient beaucoup de philosophie et assez peu de rhétorique. Il n'entend pas persuader. Mais dans tous les exemples que vous venez de prendre on va entendre la voix de Trump essayer de se justifier justement, il me semble que c'est pas tellement la vérité qui lui importe. Comme à Kellyanne Conway d'ailleurs, quand elle parle de faits alternatifs, c'est pas un combat pour la vérité, c'est un combat pour garder la main, au fond, pour être celui qu'on entendra en dernier. Il s'agit bien de persuader, il s'agit de renvoyer des signaux forts dans le fait de garder le pouvoir d'être en place, plutôt que d'être dans la vérité ou dans la fausseté. Non, bien sûr, il ne prétend pas parler comme un clergyman ou il ne prétend pas parler comme un scientifique. Et justement, c'est très intéressant de voir que, par exemple, tous ces discours anti-science, son déni du Covid, son déni du changement climatique sont directement dirigés contre ce qu'on pourrait appeler des discours qui visent à essayer de dire la vérité. Il n'est pas non plus quelqu'un de religieux, donc qui dirait « je vous parle de la vérité ». En ce sens-là, si vous voulez, il est très contrasté par rapport à son vice-président Mike Pence, qui lui parlerait plus volontiers au nom de la religion et au nom et au nom de la vérité. Il forme un duo formidable, une sorte de Laurel et Hardy Alors c'est pas de la philosophie, bien sûr, c'est pas de la philosophie au sens où en philosophie on s'interroge sur les concepts fondamentaux comme la vérité, la cause, la connaissance, et où on essaie d'en donner une théorie. Bien entendu, je ne dis pas ça. Et c'est vrai, vous avez raison, que c'est de la rhétorique dans une très large mesure, dans la mesure où la rhétorique est l'art de la persuasion, l'art quelquefois d'embobiner, et justement, comme je disais à l'instant, l'art de baratiner. C'est pas du tout incompatible. Je veux dire que le rhétoricien, c'est aussi quelqu'un qui essaie d'orienter son discours de manière à ce que ce discours lui serve ses propres intérêts, qui essaye également de se présenter comme disant la vérité sans la dire, ou bien éventuellement de dire aux gens « ne vous inquiétez pas, il n'est pas question de vérité, le principal est que je vous plaise et que vous soyez content ». Et là, si vous voulez, il joue sur l'autre registre qui est celui de la confiance et de la sincérité, celui dont je parlais à l'instant lorsque je disais « c'est the con man » en français, je ne sais pas comment est-ce qu'on traduirait « l'homme con », « le con homme », mais ça veut dire celui à qui on ne l'a fait pas. Et donc, Trump aime à se présenter comme quelqu'un qui dit des mensonges, quelquefois. Mais parce qu'il est très intelligent, au sens où il a parfaitement compris que, quelquefois, les gens aiment être trompés. Ça leur plaît, ils aiment s'aveugler eux-mêmes. Et ça, c'est évidemment très, très problématique. Et en plus, même ses adversaires démocrates, pendant sa campagne de 2016, dans une certaine mesure, se sont aveuglés. Les partisans d'Hillary Clinton, son équipe de campagne, ont manifesté, non pas de l'aveuglement volontaire, mais ils ont pris leur désir pour des réalités. Ils ont cru au sondage. Résultat, Hillary Clinton n'est pas du tout allée dans certains États où il aurait fallu qu'elle aille et qu'elle intervienne. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que c'est de la rhétorique. C'est vrai que c'est de l'art de la persuasion. C'est aussi de l'art. Bon, vous savez que le grand livre de Trump, dont il se vantait constamment avant d'accéder à la présidence, c'est « How to make a deal », comment faire du business, quoi. Et donc, il avait, également dans ses émissions de télé-réalité, il avait, avec des arguments dont vous conviendrez avec moi, que c'était souvent des arguments assez brutaux, puisque ça consistait, en gros, à se précipiter comme au catch sur son adversaire et le faire tomber, il avait des arguments de ce genre. Alors, c'est évidemment « argument » entre guillemets, mais bien sûr, ce sont des trucs rhétoriques. Alors, de ce point de vue-là, c'est très intéressant parce qu'il y a des rhétoriciens qui ont étudié la rhétorique non seulement de Trump, mais également la rhétorique des suprémacistes blancs, qui ont étudié tout comme on peut étudier la rhétorique des djihadistes aujourd'hui. Il y a évidemment dans cette communication de Trump un très très fort élément rhétorique. Mais ce qui se passe justement, c'est qu'il y a une surcharge de rhétorique, alors que normalement, ce qu'on devrait attendre d'un président des États-Unis, c'est que il respecte la vérité. Or, c'est toute la question, Pascal Angèle. C'est qu'attendons-nous d'un homme politique qui préside un pays tel que les États-Unis ou la France ou n'importe quel pays au fond? Est-ce qu'on attend de lui qu'il nous dise la vérité? La question se pose d'autant plus qu'il est souvent très difficile de définir ce qu'est la vérité, qu'on n'est pas forcément d'accord avec le postulat qu'il existe une vérité, qu'il n'y en ait qu'une seule, sans forcément tomber dans le relativisme, et ça brouille complètement les attentes qu'on peut avoir à l'égard d'un président de la République. Il faut prendre cette question au sérieux. Quelle est la place de l'attente de la vérité de la part des citoyens à l'égard d'un président de la République? Bon, alors, évidemment, le personnage en question, aussi bien pendant sa campagne que pendant sa vie antérieure, a énormément menti, et si on prend le préjugé qu'on a habituellement envers les hommes politiques, que c'est tous des menteurs et qu'ils nous trompent, à ce moment-là, on peut dire évidemment que Trump ne fait en quelque sorte que business as usual. Non, mais sans aller jusque-là, dire que la vérité n'est peut-être pas la chose qu'on attend en premier. On attend peut-être justement une forme d'efficacité de gouverner un pays. La vérité, je ne suis pas en train de dire qu'on attend de Trump qu'il nous dise quel temps il va faire demain ou quelle est la hauteur de la vague de coronavirus que nous sommes en train de subir. Je ne pense pas du tout à... Trump ne se pense absolument pas comme quelqu'un qui dit la vérité, que ce soit un prêtre ou un scientifique, mais quelqu'un qui respecte la vérité. Autrement dit, au moment où, par exemple, il doit dire quelque chose à ses concitoyens, mettons sur une guerre qui va avoir lieu, il ne fasse pas des mensonges. Lorsque George Bush a menti sur les armes de destruction massive, le public américain attendait que George Bush dise la vérité. Lorsque Tony Blair a menti sur le même sujet, le public a également réagi. Donc, ce que j'entends par vérité, c'est bien entendu pas la question métaphysique de savoir si on peut l'atteindre, s'il y en a une, s'il y en a plusieurs. C'est de au moins respecter le fait de dire la vérité. Or, nous savons quand même que lorsque quelqu'un dit « c'est blanc » alors que la chose est noire, ou vice-versa, nous savons très bien ce que c'est. Si vous voulez, en ce sens-là, et j'aurais dû le dire tout à l'heure quand j'ai parlé de la vérité et de l'utilité, bien entendu, Trump est parfaitement capable de voir que si il a pas beaucoup d'argent sur son compte en banque, c'est un fait, et non pas un fait alternatif. Il est parfaitement capable de voir que si il dit quelque chose au sujet, par exemple, du fameux mur que il construit contre l'immigration mexicaine d'Amérique du Sud, il est parfaitement capable de savoir que les gens vont ne pas le croire si le mur en question n'est pas construit. Il est parfaitement capable de voir, par exemple, que les mineurs des Appalaches n'ont pas réussi à remonter la pente malgré la promesse qu'il leur avait faite. Donc, si vous voulez, il y a un sens ordinaire du mot « vrai », dans lequel le vrai, c'est simplement la correspondance avec les faits. Et ça, je ne dis absolument pas que Trump l'ignore. Et je ne dis pas non plus que c'est le rôle d'un président de le faire. En revanche, effectivement, le respect de la vérité en tant que vérité scientifique, par exemple, c'est quelque chose qui s'est toujours produit avec la plupart des autres présidents américains. Roosevelt, même Nixon, a fortiori les démocrates, même s'il leur arrivait de mentir ou de travestir la vérité, ils préfèrent ne pas être pris la main dans ça. Trump non plus, d'ailleurs. Mais il a une posture, en effet, qui laisse entendre qu'il s'en fiche, que le principal, c'est d'être le maître de la parole, et d'être le maître du discours public. Et là, il en use et il en abuse. Et en fait, il fait même ce qu'on appelle des mensonges éhontés. C'est-à-dire, il arrive devant vous et il vous dit quelque chose alors que vous voyez parfaitement que c'est faux. Vous vous rappelez le jour de son Commencement Day, son jour de son inauguration, quand il dit « il y a une foule bien plus grande dans mon inauguration que dans celle d'Obama ». Tout le monde voyait que c'était faux, que la foule était parfaitement clairsemée. Et en fait, Trump n'a pas du tout rétracté sa parole. Il a dit « ah ben non, je vois les choses comme ça ». Alors donc là, effectivement, il fait appel à un truc relativiste qui consiste à dire « bon, mais c'est mon point de vue ». Donc si vous voulez, je ne dis pas du tout que Trump a réinventé le concept de vérité ou qu'il se considère comme quelqu'un qui doit dire tout le temps la vérité, justement au contraire. Mais on ne peut pas en quelque sorte en faire l'économie. Même quand on parle de la notion de post-vérité, on n'est pas dans une situation dans laquelle on ne sait plus du tout où est la vérité. Même s'il y a une tentative de la part de beaucoup de médias pour essayer de nous faire croire qu'on est passé à un autre stade, que la notion de vérité n'existe plus, la notion de vérité la plus ordinaire, la plus simple, la plus banale est toujours avec nous. Reste à savoir comment on la définit, cette notion de vérité. Vous avez... Pardon, allez-y. Non, mais pour ça, on peut parler de ça, oui, bien sûr. Justement, on va en parler parce que je voudrais revenir sur ce que vous disiez, en présentant Donald Trump comme une sorte de symptôme, justement, de notre époque, ou d'hyperbole, d'un mode de relation à la vérité que nous aurions tous aujourd'hui et qui apparaît notamment dans l'utilisation des réseaux sociaux. Vous avez fait ce lien en début d'émission et je voudrais qu'on prenne cette affirmation au sérieux en entendant notamment un texte de Michel Serres qui, dans Petite Poussette, c'était en 2012, décrit ce que font ces discours ambiants, des discours d'ambiance, écrit-il, qui font que les voix semblent tout avoir autant d'importance et permettent sans doute, ont pour conséquence de dissoudre ce qu'on pourrait appeler ce critère de vérité évident auquel nous devrions sans doute nous raccrocher de peur de sombrer tous dans le relativisme. Alors voici le texte, et puis vous nous direz ensuite, Pascal Angèle, comment il peut vous être utile, et puis comment s'accorder sur une définition de la vérité qui pourrait subsister malgré tout. Pour la première fois de l'histoire, on peut entendre la voix de tous. La parole humaine bruit dans l'espace et par le temps. Au calme des villages du silence, où sonnaient rarement la sirène et la cloche, droit et religion, fille et fils de l'écriture, succède brusquement l'étendue de ces réseaux. Phénomène assez général pour que l'on y prête attention, ce nouveau bruit de fond, tohu-bohu de clameurs et de voix, privées, publiques, permanentes, réelles ou virtuelles, chaos recouvert par les moteurs d'une société du spectacle irréductiblement vieillie, reproduit en grand le petit tsunami des classes et amphis. Non, celui-ci est plutôt le modèle réduit du premier. Ce tissu de voix s'accorde à celui de la toile. Les deux bruissent en phase. À la nouvelle démocratie du savoir, déjà là dans les lieux où s'épuise la vieille pédagogie et où la nouvelle se cherche, avec autant de loyauté que de difficulté, correspond, pour la politique générale, une démocratie en formation qui demain s'imposera. Concentrée dans les médias, l'offre politique meurt. Bien qu'elle ne sache ni ne puisse encore s'exprimer, la demande politique, énorme, se lève et presse. La voix notait son vote sur un bulletin écrit, étroit et découpé, local et secret. De sa nappe bruyante, elle occupe aujourd'hui la totalité de l'espace. La voix vote en permanence. La voix vote en permanence. Peut-être cette petite phrase, Pascal Angèle, qui nous permet de le mieux de décrire l'époque dans laquelle nous vivons. Est-ce que c'est ce vote permanent de la voix sur les réseaux sociaux qui, caractérise l'époque dans laquelle nous vivons? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et deux, aurait conduit, plus ou moins directement, à l'élection de Donald Trump il y a 4 ans? Alors, je ne pense pas, en fait, que ça puisse avoir conduit, mais enfin, c'est un des facteurs, effectivement, disons, structurants. Après, il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs déclenchants, qui sont des facteurs de l'histoire politique américaine récente. Maintenant, revenons à Michel Serres. Je suis très content que vous ayez cité ce texte avec la petite poussette, parce que c'est précisément une de mes cibles dans le livre que je viens de publier sur le rationalisme, qui est la petite poussette comme, disons, symptôme, symbole de notre condition, si vous voulez, Internet, en particulier sur les réseaux sociaux. C'est très intéressant que Michel Serres, bon, alors évidemment Michel Serres, il semble décrire une situation, mais dans beaucoup d'autres passages de son livre et de ses déclarations, il est positif à ce sujet. Il pense que c'est une bonne chose. Il pense que cette espèce de démocratie ambiante, cette voix qui parle sans en fait rien dire et sans véritablement s'affirmer, en attendant en quelque sorte que quelqu'un la cristallise, il pense que c'est très bien. Il pense que c'est le régime de démocratie qui nous attend. Moi, je suis effectivement quelqu'un de beaucoup plus vieux jeu. Je suis du type de ce que Michel Serres, dans le même livre, appelle des grands-papas ronchons, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que voter, c'est avoir une voix. Je crois même aussi beaucoup au système auquel croient les Américains, one man, one vote. Donc aux propriétés ordinaires et classiques de la démocratie. Mais effectivement, voyons bien ce que ça veut dire, voyons bien ce que c'est qu'aujourd'hui la communication sur Internet et la soi-disant démocratie qui y parviendrait. Il me semble qu'ici, ça rejoint quelque chose que j'ai dit au sujet du bullshit, de la foutaise, c'est le problème de ce que c'est que affirmer. Mmh. Qu'est-ce que c'est que affirmer ? Quand vous êtes sur Internet, sur un réseau social, vous avez deux boutons. Un bouton qui est « like », mais vous n'avez pas de bouton « dislike ». Vous avez un bouton pour apprécier. Vous pouvez éventuellement être indifférent, mais vous pouvez pas dire « j'aime pas ». On le fait dans une certaine mesure, dans la mesure où on peut mener des campagnes de dénigrement et dire du mal de telle ou telle affirmation. Mais ce qui se passe, me semble-t-il, c'est que on a perdu le sens, sur les réseaux sociaux, on a souvent perdu le sens de ce que c'est qu'une affirmation. Alors ce que je dis là peut paraître paradoxal, parce que vous allez me dire, mais au contraire, les gens sur les réseaux sociaux ne cessent d'affirmer quelque chose, et quand on fait passer une fake news, ne fait-on pas des affirmations ? Je réponds oui, en effet, au sens, disons, ordinaire du mot affirmation, on dit des choses, mais on n'en prend pas la responsabilité. Quand on fait une affirmation, cette affirmation, elle est régie par une norme, la norme du savoir. Quelqu'un qui dit quelque chose, on peut toujours lui demander, mais comment le sais-tu ? Et au nom de quoi dis-tu ça? Sur quelle base? Pour quelle raison? Et dans les réseaux sociaux, surtout quand ils prennent la forme tribale et qu'ils forment la forme de cercle dans lesquels vous avez uniquement vos amis auxquels vous parlez et dont vous recevez des informations, on prend les informations qui nous conviennent, et on les transfère d'un internaute à un autre, comme un virus, justement. On les transfère sans les assumer. Et c'est encore plus net sur un réseau social qui est le réseau social qu'utilise de façon prioritaire Donald Trump, comme vous le savez, qui est Twitter. Sur Twitter, vous envoyez un certain nombre d'affirmations. Ces affirmations prennent souvent la forme de photos, d'images, dans lesquelles donc il n'y a pas réellement quelque chose qui est dit, mais une image, ou bien de citations, on prend des citations d'un autre endroit, et les gens vous tweetent, ou les gens vous retweetent. Alors, ils vous retweetent, ça signifie qu'ils reprennent ce qu'ils ont lu, mais sans l'assumer. Et Trump est extrêmement familier de cette chose-là. Et il prend des choses, par exemple, qui peuvent venir de suprémacistes blancs. Ce sont juste des trucs qu'il retweete. Et en gros, il n'en prend pas la responsabilité. Oui, c'est le statut du retweet dont vous parlez, en fait. C'est ça, retweeter quelque chose, c'est une manière de se déresponsabiliser du contenu, au fond. Je l'ai retweeté, mais je ne l'ai pas écrit. Absolument. Je l'ai transmis, mais je ne l'ai pas dit. Et si vous me demandez si j'en prends la responsabilité, non, pas du tout. Je prends juste quelque chose que quelqu'un m'a dit. Ouais. Un petit peu comme dans les corbeaux classiques d'autrefois, les gens qui disent du mal des autres, là où la médisance, pour apprendre un terme traditionnel, dans lequel ça peut être aussi de la bonne disance, mais où vous ne prenez pas la responsabilité. Et ça me paraît extrêmement important. Alors ça a un lien avec le vote. Parce que quand vous faites un vote, vous pouvez soit le prendre comme une action, soit vous pouvez le prendre comme une affirmation. Supposons que vous le preniez comme une affirmation et que ce soit une assertion, par exemple, que tel candidat est bon. Le vote est aussi en même temps une action. Si on est sur Internet et puis que on donne son approbation à telle ou telle affirmation, je pense que ce que veut dire Michel Serres, c'est évidemment pas le fait qu'on vote par Internet et que les voix qu'on entend sur Internet sont déjà des expressions électorales de voix. Ce qu'il veut dire, c'est que les opinions se forment, et c'est effectivement cette circulation des opinions sans assertion véritable qui constitue, selon Michel Serres, la démocratie. Ben, je dis non. Je dis ça ne peut pas être ça. La vraie démocratie suppose que chacun sache ce qu'il veut dire, que chacun sache ce qu'il croit et qu'il prenne responsabilité de ce qu'il croit. Évidemment, vous allez me dire, justement, on n'est pas toujours comme ça. La frontière entre la vérité, l'erreur, la science, l'opinion... Dirais que c'est une démocratie idéale que vous dépeignez là, qu'effectivement, chaque citoyen n'est pas toujours responsable, enfin, ne peut pas forcément argumenter des propos qu'il tient. Évidemment, nous ne sommes pas dans cette démocratie idéale, mais au moins, si vous voulez, elle fait partie de nos objectifs, elle fait partie des règles que nous serions supposés respecter. Et d'ailleurs, la preuve en est que lorsque on n'affirme pas quelque chose, eh bien, qu'on n'en prend pas la responsabilité, les gens, dans les circonstances où c'est important pour l'action, peuvent très bien nous dire, mais enfin, vous avez dit quelque chose dont vous n'étiez pas sûr. Si, par exemple, un gouvernement, alors qu'il n'est pas sûr de quelque chose, affirme trop fort, alors il y a évidemment l'autre effet qui est qu'on trouve aussi chez Trump, c'est le trop plein de certitudes, l'absence de doute, le fait de dire j'en suis certain et affirmer sans savoir. Ça aussi, c'est une sorte de pathologie de l'assertion, et elle nous arrive tout le temps. Donc, si Michel Serres devait être écouté, alors effectivement, je craindrais énormément pour la conception traditionnelle de la démocratie. Mais maintenant, que dans les faits, nous y parvenions difficilement, oui. Que dans les faits, ça soit très difficile, et que le chemin soit long, l'élection de Trump, les déboires de la démocratie américaine, y compris d'ailleurs lorsque les démocrates ont essayé de provoquer son impeachment, alors qu'il y avait énormément de raisons de, qu'il soit fait, montre bien effectivement que c'est loin d'être aisé. Bon, il nous reste 2 minutes, Pascal Angèle. Vous aviez évoqué l'existence d'une vérité, si je vous ai bien compris. Et donc, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment est-ce que vous définissez le contenu de cette vérité. Écoutez, je ne vais pas faire un cours de philosophie là sur la notion. Surtout en 2 minutes, mais si, enfin quand même. Il y a plusieurs sortes de définitions de la vérité. La définition pragmatiste qui dit la vérité, c'est l'utilité. La définition aristotélicienne, qui est celle que j'adopte, dire le vrai, c'est être conforme aux faits, mais quelle que soit la difficulté de définir la notion de fait. On peut être aussi vérificationniste et dire le vrai, c'est ce qui est vérifié. Et puis, on peut aussi avoir une notion beaucoup plus vague qui est le vrai, c'est l'expérience, c'est ce qu'on ressent. Et là, effectivement, ce sont différentes formes de relativisme, de subjectivisme. Donc, si vous voulez, moi, il n'y a qu'une seule définition qui me semble tenir la route, même si toutes les définitions philosophiques, elles demandent à être argumentées, elles demandent à être analysées, elles demandent à être discutées. C'est la définition de la vérité comme correspondance avec les faits. Et est-ce que celle-là, on arrive est-ce qu'elle est applicable en politique? Est-ce qu'on peut toujours mettre à l'épreuve des faits ce qui est avancé? Vous vous souvenez de la célèbre phrase de Clémenceau que cite Hannah Arendt dans son article célèbre Vérité et politique. Lorsqu'on demande à Clémenceau qui est responsable de la Première Guerre mondiale, il répond on ne pourra pas dire que les Allemands n'ont pas envahi la Belgique. Voilà. Bon, si vous voulez, évidemment, c'est très difficile de mettre en œuvre une définition philosophique quelle qu'elle soit, mais il me semble pas que en politique on ait une définition tellement différente. Ça ne veut pas dire que pour pouvoir faire de la politique, il faut connaître la vérité avec un grand V, mais il faut au moins être capable de reconnaître les petites vérités avec des petits V. Merci beaucoup Pascal Angèle d'être venu nous parler de Donald Trump ce matin. Merci pour cette discussion. Je renvoie les auditeurs à votre livre, Le Manuel rationaliste de survie. Un livre à lire aux éditions Agone. Il est paru cette année. Et puis j'ai cité votre article, La leçon de philosophie de Donald Trump. Un article paru dans la revue en ligne AOC. En 2019, on peut aussi lire votre livre « Les vices du savoir ». Tous les ouvrages et les textes auxquels je renvoie à présent, eh bien, vous y avez fait référence de manière indirecte ou directe au cours de cette émission. Et on les mettra en ligne sur le site des Chemins de la philosophie. Merci Pascal Angèle, à bientôt. Merci Adèle Van Rett, merci. On se quitte avec Franz Ferdinand, Démagogue. Semaine spéciale élection présidentielle américaine continue sur France Culture. À midi, vous retrouverez la grande table Olivia Gesbert qui se demandera si la Silicon Valley est le nouveau centre du pouvoir mondial. À 15h, Mathieu Garrigou-Lagrange dans la Compagnie des œuvres raconte l'Amérique et aujourd'hui à travers le film En emporte le vent. Bref, toute une série de programmes à retrouver sur France Culture dans le cadre de cette semaine spéciale. Mais pour l'heure, il est 10h54 sur les chemins de la philosophie et il est temps de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Alors, en plein contexte épidémique, réélection américaine, etc., vous posez une question, mais alors vraiment cruciale. À quoi servent les notes de bas de page? Alors, longtemps, le plus important, le plus précieux de mes livres, c'était le gros folio des philosophes présocratiques. Je ne sais pas d'ailleurs si je l'ai vraiment lu, mais il fallait absolument que je le possède. Ces fragments avaient traversé le temps et ils pouvaient m'appartenir pour un peu moins de 100 francs. Il s'agissait d'ailleurs moins de les posséder que de participer à leur conservation. Anaximandre, Empédocle, Parménide, Héraclite avaient parcouru 2,5 millénaires. J'avais, vis-à-vis d'eux, presque comme un devoir. D'ailleurs, d'autant que je maîtrisais mal, alors, la notion de fragment. Je pensais vraiment qu'il s'agissait de morceaux de poterie qui avaient traversé le temps, physiquement, comme ces petits bateaux en terre cuite qu'on retrouve parfois dans le mobilier funéraire d'un tombeau qu'on profane. Je n'avais pas pensé que cela pouvait être à l'état de fragments littéraires, de citations plus ou moins exactes, qu'ils avaient survécu. C'est parce que Cicéron est revenu sur un argument de Démocrite que Démocrite a survécu, ce qui pose une vraie question philosophique. Qu'est-ce qui est le plus solide, un tesson de céramique ou un argument rationnel? Et donc on pourrait ainsi distinguer le fragment du fragment? Exactement, même si on peut imaginer des cas un peu borgésiens où l'objet physique se confondrait avec l'objet intellectuel, comme ce fragment de l'univers hypothétique de Tlön qui se serait scindé en deux fragments plus petits pour apparaître à la fois dans une encyclopédie et dans un coffre à bijoux. Pensons par exemple à la flèche d'Achille, passée du monde littéraire à celui des philosophes, grâce au paradoxe de Zénon, puis qu'on a vu se dissoudre avec l'invention du calcul infinitésimal avant que la notion de quanta d'énergie ne vienne lui rendre une certaine dureté métallique. On connaît aussi la fameuse phrase de Heidegger sur la bombe atomique qui aurait explosé une première fois dans le cogito de Descartes. L'incarnation des arguments philosophiques est une question plus sérieuse qu'il n'y paraît. On peut formuler la question autrement. Le crible de l'archéologue est-il plus ou moins sûr que celui du philosophe? À leur manière, les notes de bas de page sont une manière de réponse. Parce qu'elles seraient une sorte de dépôt, de décantation philosophique? Exactement. Elles sont tout ce que le livre ne retient pas vraiment, mais conserve quand même de l'arsenic dans les cheveux de la pensée. On y trouve le futur fragment philosophique de demain à l'état natif. Ce qui n'a pas réussi à cristalliser dans la page, mais que celle-ci n'a pas non plus réussi à dissoudre complètement. Un argument contraire qu'il faut bien mentionner, quelque chose de l'ordre du remords aussi. Car si on n'a pas réussi soi-même à réduire à rien la chose laissée en note, il faut un certain fair-play pour la mentionner quand même. La note de bas de page est en cela un peu messianique. C'est un coup d'avance laissé au futur. Cet argument que moi je néglige, que je ne mentionne qu'en passant, je pressens qu'il me survivra. Cette falaise, je l'ai gravie en empruntant une voie originale et peut-être à main nue, mais j'ai bien vu à ma droite et à ma gauche ces mousquetons anciens et vides que le vent faisait battre contre la falaise. Et donc les notes de bas de page seraient les fantômes des ascensions passées. Autrement dit, des reliques. J'évoquais la question de l'incarnation des arguments philosophiques, la question du fragment se pose aussi à travers ces prises délaissées mais laissées à l'appréciation des autres grimpeurs, celle de l'esprit. Recourir aux notes de bas de page, c'est accorder au cœur d'une aventure individuelle, la plus individuelle de toutes, peut-être l'écriture d'un livre, une place à d'autres esprits. À moins que l'esprit lui-même, avec une majuscule, ce ne soit que cela, cette chose qui s'accroche, qui pendouille à travers le temps aux notes de bas de page. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre question philo du jour est à réécouter sur le site de France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni avec Manon Delasselle, Avril Poignant-Legoff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Alexandre Dang. Là, la lecture des textes cette semaine, c'est les comédiens Bernard Gabay. On se retrouve demain pour la suite de notre série Donald Trump dans l'œil des philosophes. Et bien demain, nous serons en compagnie du philosophe américain Matthew Crawford, que vous connaissez peut-être si il y a quelques années vous aviez écouté l'émission sur le livre qu'il avait écrit sur l'éloge du carburateur, un philosophe américain qui viendra se demander si la révolution américaine pourrait être menée par l'élite. Vous verrez, c'est passionnant. Ce sera donc demain à 10h précise. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission avec Pascal Angèle, cette série d'émissions depuis lundi, ainsi que les précédentes, en téléchargeant l'application Radio France pour écouter en direct ou bien en téléchargement les émissions de votre choix à l'heure de votre choix. Rendez-vous aussi sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram. On est ravis de lire vos commentaires. On se retrouve demain donc à 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.